Monteur de vibration, pourquoi est-ce si important? Ben là, si vous voulez survivre, d'une certaine façon, vous aurez pas le choix. C'est la même chose que pourquoi rester en santé? Pourquoi avoir une bonne santé? Pourquoi être en forme? C'est pour ça revient au même.